Sans m'écouter, c'est déjà une info. C'était que l'intro, mais là faut que je m'exprime, car c'est bien beau dans le micro d'aligner des rimes. Préviens les victimes,